Bienvenue à la grande première de CNX.cp. Je m'appelle Mathieu Plante et chaque semaine, comme ça, à l'émission la plus geek de la radio, on va compresser dans un seul et unique fichier toutes les capsules CNX diffusées dans Assemblage requis du lundi au jeudi à 15h. Donc, si vous ne savez pas encore, ben, dans Assemblage requis, je fais une capsule à chaque jour. Ça peut être sur les gadgets, le net, les utilités trucs, les nouvelles du futur, n'importe quel sujet. Et puis, ben, on les compresse dans un seul fichier, comme ça, les lundis matins à 10h. Comme je disais, ben, cette semaine, c'est exactement ça qui va se passer. Gadget, net, utilité truc, nouvelles du futur, dans l'ordre. En plus, on va avoir de la musique de jeux vidéo, on va avoir les nouveautés en magasin. On va se faire un paquet de belles petites chroniques à valeur ajoutée dans CNX.zip. Mais on commence tout de suite en musique. Voici la Patin Rose et la Marelle, un grand succès du palmarès francophone au 89.1 FM. C'est fou!

Dash.com. Dash.com. Com. Hello. Let's play the music. Alone par Unicorn Dream Attack. Ça vient de la compilation Blip Festival 2008. Vous pouvez télécharger quelques-unes des pièces sur leur page en passant par assemblagerequis.com et en cliquant sur cnx.zip. C'est par la compagnie Two Player Productions. Ils ont fait un site web pour leur album live en deux disques. Et vous pouvez télécharger 4 pièces en tout et écouter en stream les 32 pièces sur le site web. Donc allez-y, c'est vraiment de la très très bonne musique chiptune. Vous êtes toujours à CNX.zip, l'émission qui compresse les capsules CNX de l'émission Assemblage Requis dans un seul et même fichier. Voici la chronique de mardi. On parle de Autour du Net. Mardi. Aujourd'hui dans la chronique CNX, on fait le tour du net, on regarde un petit peu ce qui se passe un petit peu partout comme ça sur les interwebs, sur les toiles technologiques. Quand K1? Oui, l'Internet, tu connais. Je connais un petit peu ça, c'est l'affaire de l'armée, ça, là. Exactement, Al Gore, peut-être le kit. On commence par un signet que j'ai vu sur boingboing.net. Ça parle d'une carte

Le 4 septembre 1927, John McCarthy, qui a fait plusieurs contributions dans le domaine des ordinateurs et de la science, dont le langage Lisp. Il est né à Boston en 1927 et il a enseigné à l'Université de Stanford pendant pas mal toute sa carrière. Et finalement, le 5 septembre 1980, le dernier IBM 7030, ou le Stretch, qui est un ordinateur qui a été décommissionné par l'Université Brigham Young. Stretch était le résultat d'une longue recherche, un long projet de recherche et de développement qui a débuté chez IBM en 1955. Le but était de construire un super ordinateur qui était entre 100 et 200 fois plus fort que tout ce qui était sur le marché ou qui était disponible pour les compagnies à ce moment-là. Leur client le plus important était Los Alamos Scientific Laboratory, qui était géré par l'Atomic Energy Commission, qui, en fait, l'ordinateur était fait pour construire des armes atomiques. Voilà, ça, c'est selon le Computer History Museum. Ça fait le tour de ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. Maintenant, ben oui, ça arrête ça. On s'en va en publicité et on revient avec les chroniques du mercredi et jeudi. C'est Utilitruc et Nouvelles du futur. Restez avec nous, c'est cnx.zip. C'est fou, 89 ans. Méchant, le vigile de la COP, le vigile de la COP est méchant. CNX.zip, l'émission de la publicité. Vous êtes toujours à CNX.zip, émission la plus geek de la radio. On compresse les chroniques CNX diffusées dans Rassemblage requis du lundi au jeudi à 15h dans une seule et même émission, un seul fichier. Il nous reste la chronique de mercredi, Utilitruc, et celle de jeudi, Nouvelle du futur. On va aussi avoir quelques autres chroniques, dont l'Index et le Warp. Mais avant ça, allons-y tout de suite avec la chronique du mercredi. Ça se passe maintenant, c'est à CNX.zip. Mercredi. Et cette semaine, dans la chronique CNX, aujourd'hui, à la chronique CNX, j'ai encore dit cette semaine. Aujourd'hui, c'est la chronique Utilitruc. Je vous présente des logiciels, des choses qui pourraient vous simplifier la vie. Ça peut être des logiciels, des sites web, ça peut être pas mal n'importe quoi, en fait. Commençons, tiens, pourquoi pas, avec une façon de convertir du texte en une image qui est impossible à convertir en texte. Donc, vous ne ferez pas spammer, disons, pour mettre votre adresse courriel dedans. Vous choisissez la police et la couleur, et puis ça va faire un GIF avec un JPEG ou une image. Donc, vous pouvez l'envoyer par MSN, disons, et personne ne va pouvoir voir l'intérieur de ce texte-là. T'sais, vous ne ferez pas piquer votre numéro de carte de crédit, par exemple, sur MSN. Pour ceux qui ont peur ou ceux qui veulent afficher quelque chose sur un site web, mais qui ne sera pas copié, possible d'être copié-collé ailleurs, ça transforme en image. Pas beaucoup de choix de police, pas beaucoup de choix de couleur, mais quand même, au moins, vous n'aurez pas à partir de logiciels dédiés comme un Photoshop ou un Paint pour faire votre affaire. Ça s'appelle Text Ninja et c'est sur txtninja.com. C'est pour camoufler vos traces, si on veut, comme sur des forums, par exemple. Ensuite, tiens, ça, c'est vraiment intéressant. ScreenTunes, qui est au screentunes.com. C'est un engin de recherche de musique, mais qui vous laisse trouver, acheter et streamer. Ça, c'est écouter sans télécharger des chansons sur le web. Mais ça, c'est pas original. Ce qui rend original ScreenTunes, c'est que vous choisissez film et vous pouvez directement taper le nom d'un film et trouver la musique qui provient de ce film-là. OK. N'importe quel. Ben, ils ont une grosse banque quand même. Tu peux pas aller voir directement quel film qu'ils ont, mais si tu le tapes et que ça fonctionne, ben, ouais, ils l'ont. Je suis sûr qu'on est capable de trouver des films qu'ils ont pas, tu sais. Ah, est-ce que tu veux essayer d'en trouver un qui n'ont pas? On va essayer de film. Tiens, donne-moi un titre de film. Tout de suite comme ça. Ouais, vas-y. Je sais pas. C'est quelque chose qui risque de pas avoir. Je sais pas. Dans le ventre du dragon. Dans le ventre du dragon. Hey, tu m'en demandes une belle, toi, là. Pas mal sûr qu'il n'y aura pas ça. Non, il n'y a rien. Mais hein, si on veut, ça marche pas pantoute ton site. C'est vraiment de la merde. Ouais, peut-être des films québécois, ça va peut-être être un petit peu plus difficile. Bon, OK. Mais si on y va, disons, avec Star Wars, tiens, j'en ai plein. Il y a plein d'affaires, même des affaires de Family Guy dans leur parodie de Star Wars. Donc, c'est quand même beaucoup de matériel avec des films connus comme G.I. Joe, disons, cet été, ou des films mainstream que les gens connaissent. Ouais, c'est ça. C'est quand même pas pour n'importe quel film, là. Et voilà. On continue avec VapURL, VapURL. C'est pour transformer vos adresses, n'importe quelle adresse de site web, en une adresse plus courte mais temporaire. Par exemple, vapurl.com/, il y a un paquet de chiffres, 4MT48BY. Mais c'est pour faire un lien vers une page qui pourrait être cachée. Par exemple, tu pourrais créer une page sur ton serveur que personne sait qu'elle existe, mais tu y crées une adresse facile à reconnaître, que les gens vont pouvoir aller copier-coller dans MSN ou sur Twitter ou Facebook, une adresse courte mais qui disparaît après un certain moment. C'est des adresses disparaissantes. Ça s'appelle earl.com. OK, peut-être moins utile pour toi. Oui, c'est ça. Moi, je vois pas personnellement le temps d'utilité dans ma vie, dans mon quotidien, mais bon, ouais. Je comprends. Là, tu peux principe. Faire un signet et spécifier quand ça va expirer, donc c'est cool. Non? C'est très, très cool, Mathieu. D'accord. Allons-y, quelque chose que tu vas peut-être aimer plus dans ce cas-ci, c'est le top 10. Ben, je ne ferai pas les 10 au complet, mais des trucs à la MacGyver. Tu sais, l'émission de télé où le gars prenait un trombone pour dévisser quelque chose. Je sais-tu, il faisait tout le temps des affaires vraiment spéciales. Je n'irai pas dans les détails. L'article va être sur assemblagerequis.com, mais par exemple, il vous montre comment faire un flash pour une caméra avec un flash, mais pour la diffuser pour que le flash soit moins intense avec un paquet de cigarettes en carton. Ou sinon, comment mettre un bagel, se faire un dîner, un bagel, mais dans un porte-CD. Un spindle, tu sais, où tu mets plusieurs CD. Ça rentre parfaitement, puis ça vous empêche de prendre un bol ou d'aller vous en acheter. Comment faire un dock pour votre iPod ou iPhone avec une carte d'affaires. Il y a plein d'affaires qui sont un petit peu moins technologiques, mais disons que votre cellulaire est tombé dans l'eau. Ça dit de le mettre dans du riz. Ça vous montre comment faire. Il y en a plein d'autres. Comment booster une antenne Wi-Fi avec une paille. Comment partir un feu sans allumette. Comment prendre un CD ou un DVD qui a été graffiné, puis l'adoucir. Avec différents trucs, c'est sur assemblagerequis.com. Tu vois, c'est du concret, ça. Je trouve ça très pertinent. Je te touche avec ça, du plein air un peu. Là. Je touche directement. Non, pour vrai, c'est cool. C'est très, très cool. Comment utiliser un compte Gmail avec plusieurs comptes différents? OK, bon. Mettons, j'ai l'adresse mplante@gmail.com, mais je veux m'inscrire à différents sites web, ou mettons au même site web avec la même adresse courriel. D'habitude, tu peux pas, ça va dire l'adresse courriel déjà utilisée. Vous pouvez utiliser des points avec une adresse Gmail parce que Gmail ne reconnaît pas les points. Que t'en mettes un ou que t'en mettes pas, ça dérange pas. Donc, tu peux te faire plusieurs comptes avec le même courriel, ce qui est vraiment cool. Moi, je me sers sur Twitter. Toutes les comptes de CNX Palmarès, toutes les émissions, c'est la même adresse, mais je mets un plus. mplante+palmarès@gmail.com. Comme ça, Twitter le considère comme une adresse différente, mais Gmail, non. Aha. C'est un beau petit truc à avoir. Mais peut-être que aussi les autres sites vont s'adapter aussi, peut-être un jour. Probablement. Plus, ouais. Mais pour l'instant, ça fonctionne. Puis j'imagine que vu que vous êtes déjà inscrit, ça va continuer de fonctionner, mais les nouveaux membres pourront pas faire ce même truc-là. Ouais. T'as sûrement entendu parler du... Ben, je sais pas si t'en as entendu parce que c'est pas ton domaine, mais Bing, est-ce que tu connais Bing? C'est l'engin de recherche de Microsoft. Ils ont rechangé le Windows Live Search en Bing. Ah, OK. Bon, je te renseigne là-dessus. Ben, si vous voulez connaître la différence entre Bing et Google et même Yahoo, mais que vous êtes biaisé parce que vous aimez plus Google puis que vous vous dites « Ah, Bing, les résultats sont moins bons », ici, on vous montre les trois. Vous tapez un mot ou une phrase, ça vous les montre côte à côte, Bing, Yahoo et Google, mais sans vous donner les logos. Donc, vous devez décider... lequel que vous aimez le plus. Bon, moi, j'aime beaucoup plus les résultats de Bing. Ils sont beaucoup plus fiables. Plus, ça vous dit « Bang ». Tu sais, vous ne dites pas « Bing », mais en tout cas, c'est « Bing ». Ça le révèle que c'est « Bing », tu comprends ça? Ouais, mais finalement, ça pourrait aussi ne pas être ton préféré, là, que tu vas aimer le plus. Là, c'est ça, ça pourrait être Yahoo que tu aimes plus, finalement. Puis là, tu serais déjoué complètement, puis tu deviendrais fan de Yahoo. C'est comme le test Pepsi dans le temps que Pepsi marchait moins, puis ils voulaient pogner, puis ils ont fait des tests à l'aveuglette. Ben, c'est un peu ça. Je vais vous donner le lien plus rapidement, comme ça. Vous pouvez avoir Bing plus Google sur bingandgoogle.com. Il y a Bingle, qui est au bingle.punge.com, là, c'est dur à appeler. Et puis Bing, /vs/google.com. Les liens sont sur Assemblage. C'est un beau petit test à faire. Vous voulez savoir de quoi a l'air Twitter pour les autres? Tu sais, disons que tu connais une vedette, mettons, qui a un compte Twitter, mettons Ashton Kutcher. Tu veux voir de quoi a l'air son Twitter dans le sens de lui, qu'est-ce qu'il voit comme personne qui suit? C'est parce que les gens peuvent suivre les mises à jour des autres. Par exemple, il y a plusieurs amis vedettes, ben, tu vas voir sa page d'accueil à lui, comme si tu pluguais dans son Facebook, mettons, pour voir ses amis qu'est-ce qu'ils disent. Bon, c'est pas la même affaire. Ça s'appelle, et là, l'adresse est ctwitlike.appspot.com, ctwitlike.appspot.com. Ils ne savent pas avec leurs adresses du tout, mais l'interface est affreuse, le logo est vraiment dégueulasse, mais ça vous montre quand même tous les amis des gens que vous voulez espionner un peu. D'accord? Un autre truc à la MacGyver, comme on parlait tantôt, là, comment rassembler des fils derrière votre ordinateur. Tout le monde a un dégât de... une grosse flaque de fils, si on veut. Utiliser une affaire de bloc-notes, la petite reliure en spirale, là. D'un bloc-notes ou d'un agenda, okay, ouais, une ouais. Genre de spirale, ouais. Vous la défaisez, et puis après ça, vous la refaisez. Vous la refaites sur les fils, et puis ça vous donne une façon de retenir vos fils. Après ça, vous pouvez attacher ça avec quelque chose sur votre bureau, puis là, vous n'avez plus aucun fil à terre. C'est merveilleux. Hein? Ça coûte quand même cher de cahier spirale, là, si t'as beaucoup, beaucoup de fils, puis t'en as très long. Prenez vos notes de cours de 5 ans que vous gardez pour rien. Ouais, c'est mieux. Vous avez toutes déjà oublié de toute façon.